Audiomatique. Sur la courte composition Somos Solo Ruido, jouée par Los Prisioneros, que s'ouvrait la transmission 415 d'Audiomatique. La pièce introduit l'album de Los Prisioneros intitulé La Cultura de la Basura et qui a été publié en 1987. Et c'est maintenant au tour de l'artiste Nicolas Jarre d'assurer la continuité à Audiomatique. Yeah, we're all just one handsome joke. Automatic love on the side, monk. A whole full of kids trying to deal with the guilt, but the echo is automatically built. And it's alright. And it's alright. Find yourself on the back, no one else will. We created a monster and it's ready to build. The young one's a trigger with a bad habit. She's a blind nun, cruelest ecstatic. Yeah, the past just running on a stick. Meaning is useless when I'm giving to the sick. A hole full of kids automatically built, so the edge of the hall is ready to kill you. Alright. And it's alright. slide through the avenue. Diagonal. Please slide through the avenue. Diagonal, traveling, space-time. Hold existence like a waistline, I'm dancing with it. Handsome and fancy etiquette, attitudes, attitudes, mad attitudes, bad attitudes, Minnetonka, the void, Nueva Amsterdam, a lot, jungle, ditties, scribbling notes, scrivening, yamaya, yamoja. Putting a quill to the papyrus immaculate, papyrus, pivoting, improvised styles and sandcastle architectures, sand mandalas, the sands of time, the sands, fan these fires with these hands of mine, the hands, poised to conjure, your boy conquered, San Ho out to Yonkers, I'm a monster, born in the belly of the beast, America, Americana, Americana. Bussing off like confetti in the streets is too deep to go deep, deep, deep, deeper. Still, the savage histories, brutal legacies, illusory democracies, feudal tendencies, rendering twisted souls, twisted like the vines in the jungle, the hunger for light. Written roles, improvised, going off script, lost in who am I, who cares? New rare feelings of freedom in a prison colony. The folly, the fallacies, the paradoxes, boxes, holding the slang. America, Americana, Americana, the souls in the plane of the spirit. The dope in the veins of the cheerless, fearsome weird shit, useless, outdated, soon to be discarded. Evolution regarded as antithetical to God, but they say the same thing. Anyway, hey, love is the main thing. Renovate your soul power generator. Any haters hate and be killing themselves. The will of the well-wishers is realer than the swill of the hell spitters. Listen to the bell ringers. Singers of the time song, knives on the throat of the devil. Shh. The ocean levels is rising. We knew it for years, it ain't surprising. Eyes on the horizon, life, man. Wonder if it'll take me out alive, man. What? Finna make it out alive? Damn. Ancestral knowledge is wisdom, the visions, the waters, clouds in the sky, man. Fountain of youth, mountain of truth, palpable compassion and empathy, the energy heavenly, razor edge of the yin yang, thin chains, want, intention, desire, intentions, the fire, the mind, dimensions, consciousness, infinite. Thank you. Audiomatic, nous venons tout juste d'écouter le compositeur Ambrose Akinmusire qui nous offrait sa pièce en deux parties intitulée Americana, The Garden Waits for You to Match Her Wildness, sur laquelle on entend notamment la prose du rappeur américain Victor Vasquez. Cette composition se retrouve sur l'album Origami Harvest d'Ambrose Akinmusire. Avant cela, nous écoutions une pièce de Nicolas Jarre, à savoir The Governor, apparaissant sur son troisième album Sirens, paru en 2016. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste allemand Nils Fromm. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, à la musique de l'artiste allemand Nils Fromm, qui nous offrait sa composition Briefly, qui est tirée de son plus récent album Music for Animals, paru le 23 septembre 2022. Nous conclurons cette transmission d'Audiomatic sur la musique du projet Silence and Strength de l'artiste israélien Stefan Friedman, du deuxième album Opus Paracelsum, sorti en 2006. Nous allons écouter la pièce With Death, Elegy. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé ou même très intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Silence and Strength et la pièce With Death. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. Thank you.